est temps de plonger dans un bain de couleurs avec Calais La Plage, la station balnéaire festive des Hauts-de-France. Concerts, expos, bars de plage et dragons de Calais. Cet été, c'est le pied à Calais. Programmation estivale sur calais.fr. Et voilà, il est midi sur Delta FM. On écoutera Mika tout à l'heure avec Grace Kelly, puis on aura Vita aussi avec les choses qu'on fait. Album à venir le 6 octobre, le nouvel album Charlotte. J'ai compté, il y aura 14 morceaux sur l'album de Vita, dont 4 chansons coécrites avec Cyril Frémin. Bah avec Slimane. Oui, bravo. Pourtant c'était une question piège, on n'avait pas répété avant, hein, franchement. La météo, alors par contre ça c'est pas fabuleux. On n'a pas répété avant, mais effectivement je pense qu'on savait ce que je vais vous dire. Oui, ça réduit. Ce sera pas terrible aujourd'hui, c'est vrai, on aura de gros nuages un peu partout dans la région, du vent, peut-être même un petit peu de pluie. Le vent c'est du 40 km/h grand maximum. On a un petit territoire irréductible, c'est le Boulonnais où on aura du soleil quand même cet après-midi. Les températures qui ne bougent pas trop, hein, par rapport à ces derniers jours, comptez du 18 degrés à Dunkerque ou à Gravelines, 18 degrés également à Boulogne ou encore à Calais, 17 degrés à Saint-Omer et à Cassel. Dans les prochains jours, ce sera un petit peu mieux, mais il faudra vraiment attendre la semaine prochaine pour le véritable retour de l'été. C'est l'heure de l'info locale. Vous voulez tout savoir sur la météo près de chez vous ? La météo Delta FM ? La couleur du ciel, le vent, la pluie, les températures ? Retrouvez vos prévisions météo. Connectez-vous sur deltafm.fr. L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Et de l'actualité ce midi sur Delta FM, les pompiers n'ont pas chômé hier. Un carambolage s'est produit en fin de journée sur le pont de la D191, pont qui surplombe l'A16. C'est à hauteur de Marquise. Un choc qui a impliqué 3 voitures et qui a fait 5 blessés, dont un bébé de 11 mois et sa maman. Tous ont été pris en charge par les secours. Un autre accident hier toujours en fin d'après-midi du côté de Le Portel, au niveau de la rue Carnot. Deux voitures se sont percutées au niveau du feu tricolore avec la rue Livenais, faisant 4 blessés légers, dont une femme enceinte. Toujours sur la route, attention avec des travaux dans le Boulonnais. Ça concerne la D142 au niveau de Vimille, à l'entrée de la zone industrielle de la Trésorerie et au niveau de l'échangeur 33 sur la 16. C'était le cas l'année dernière et ce sera le cas la nuit prochaine. Chantier aussi à Réty sur la D127 la nuit prochaine et puis celle de mercredi à jeudi. Les portions concernées seront interdites à la circulation. Delta FM qui vous tient au courant, hein, tout au long de la journée. Des soucis sur les routes de la Côte d'Opale, du Boulonnais. De l'eau pour les migrants, l'association Calais Food Collective, au nom de plusieurs ONG, vient de lancer une pétition réclamant un accès plus facile dans la région aux exilés à l'eau potable. Selon des documents de l'ONU, les manques d'eau sont criants pour les exilés à Calais, à Grande-Synthe ou encore à Tintinguem, dans le Demarois. La rentrée de l'hôpital de Boulogne s'annonce morose. Selon nos confrères de la Voix du Nord, il manque 14 anesthésistes au CHB sur 20 équivalents temps plein. Seuls 6 seront pourvus en septembre, ce qui aura évidemment des conséquences au niveau des opérations avec des blocs à l'arrêt. Une réunion avec l'ARS pour tenter de trouver une solution a eu lieu il y a quelques jours, en présence notamment de Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne, qui est aussi le directeur du conseil de surveillance de l'hôpital. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas beau en ce moment. D'ailleurs, les nombreuses averses de ces derniers jours ont des conséquences majeures sur les récoltes des agriculteurs. Après une première phase très pluvieuse au printemps qui a causé de nombreux dégâts, notamment sur les choux-fleurs, et une période de sécheresse qui a abîmé les légumes au mois de juin, c'est maintenant la pluie qui empêche le début de la moisson. Pire, cette dernière entraîne même des maladies comme le mildiou sur certaines récoltes. De quoi saper le moral des agriculteurs et des maraîchers comme Antoine Elboïde, président du syndicat cantonal FDSEA du côté de l'Audomarois. Le mildiou et d'autres maladies de taches brunes touchent quasiment toutes les productions légumières, les maladies en betterave sucrière. Hein. Mais la pomme de terre cette année a souffert du sec et maintenant elle va souffrir de l'eau parce que la pression mildiou est là ici, elle est au maximum. On est équipé de logiciels, on est vraiment ici au maximum, on est tous les jours dans le rouge. Donc, c'est-à-dire protection phytosanitaire pour les gens qui sont en conventionnel, en agriculture raisonnée. Pour les agriculteurs bio, c'est un peu plus compliqué de trouver des solutions, même s'ils ont des variétés plutôt résistantes au mildiou. Là, quand on est sur une pression forte depuis 15 jours, 3 semaines, ça peut commencer aussi à les atteindre. Reportage de Lucas Labarre pour Delta FM. Le retour du soleil est a priori attendu pour la semaine prochaine. Et puis prenez date, on en avait déjà parlé sur Delta FM. Annulé le 14 juillet dernier, le feu d'artifice traditionnel de Boulogne aura lieu le 15 août à la suite de la traditionnelle cavalcade d'été. Celle-ci débutera à 16h dans les rues du centre-ville sur le thème cette fois-ci des folklores du monde. C'est la fin de cette édition. Bonne journée sur Delta. On passe à l'info en français dans le monde sur Delta FM. C'est avec Mathieu Bellisario. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Les choses sérieuses commencent pour les Bleus au Mondial féminin de foot en Australie. L'équipe de France affronte le Maroc cet après-midi en huitième de finale. Coup d'envoi à Adélaïde à 13h, heure française. Cinq policiers du raid de Marseille placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort d'un jeune homme de 27 ans en marge des émeutes dans la cité phocéenne début juillet. L'autopsie de la victime avait révélé une mort provoquée par un arrêt cardiaque à la suite d'un impact au niveau du thorax. Des résultats compatible avec le tir d'un projectile de type flashball. Coup dur pour votre portefeuille en plein chassé-croisé des vacances. Le prix des carburants continue de flamber. Plus 11 centimes notamment pour le litre de sans-plomb 95 en cause la hausse du cours du baril de pétrole. Et puis coup de chaud cette fois pour la planète. La moyenne de la température mondiale relevée au mois de juillet a battu tous les records. 16,95 degrés tout simplement. Le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon les données de l'agence européenne Copernicus. Delta FM, infotrafic. Du côté de l'inforoute, vous êtes actuellement à l'arrêt sur la D940 à Boulogne, au niveau de la plage de Boulogne. Un bouchon sur 3 km qui vous mène jusqu'au parking de Nausicaa, le fameux Q-Park. Et puis, un véhicule est arrêté sur l'autoroute A26 dans le sens Calais vers Béthune. Cette fois-ci, c'est au niveau de Mantes-Nord-Bécourt. Soyez prudents. Faites passer l'inforoute au 03 21 95 22 95. La radio de votre été sur la côte d'Opale. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity in him. au travail, en voiture. En vacances. Delta FM. En vacances. Retour de l'information locale, hein. Tout à l'heure ce sera à midi et demi, puis on fera le point sur la météo des plages, même si c'est pas franchement très utile, mais bon, tout de même, on fera le point sur la météo des plages. Quelquefois vous auriez l'idée d'aller faire un tour sur le sable cet après-midi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Daniel Balavoine, Je ne suis pas un héros, c'est ce qu'on écoutera pour la suite de la musique, puis la musique du film Barbie aussi qui arrive, c'est Dua Lipa en préparation avec Dance the Night dans un instant sur Delta FM, on se mardi, bienvenue. Embarquez à bord d'Alkyon, la nouveauté 2023 de Dennis Park, et vérifiez par vous-même lesquels chantent le plus fort. Avec plus de 30 attractions, 10 espaces de restauration, des services gratuits, Dennis Park, le parc d'attractions familial incontournable des Hauts-de-France. Plus d'infos et billetterie sur denlis-park.com. Dennis Park, l'aventure en famille!

bel été à Boulogne et sur la Côte d'Opale. Bel été à Boulogne et sur la Côte d'Opale. La radio d'ici, c'est Delta FM. Daniel Balavoine avec Je ne suis pas un héros qu'on vient d'écouter à l'instant. Vous êtes sur Delta FM. Héloïse, l'ex-gendarme lilloise arrive avec Abro et Baltimora pour les souvenirs des années 80. Ce sera Tarzan Boy tout à l'heure. Delta FM, 12h30. On va faire un point sur l'info et d'abord c'est la météo des plages. Delta FM, la météo des plages. Allons faire un tour sur le sable à Audrecelles. Un ciel très nuageux devenant couvert avec des pluies faibles en fin d'après-midi, c'est ce qui est annoncé. Température ressentie sur le sable, 16 degrés. Dans l'eau, c'est mieux, 18. Le vent de sud-ouest souffle à 50 km/h. On va faire un tour aussi sur la plage du Perroquet à Bray-Dunes avec un ciel variable qui se couvre totalement. Pluie faible aussi en fin d'après-midi. Dans l'air, il fait 19 degrés en température ressentie. Exactement la même température que dans l'eau. Le vent d'ouest souffle à 50 km/h. L'indice UV, je vous en parle quand même. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Ça fait rire Cyril Frémont. Indice UV modéré 5. Modéré. La météo des plages avec la forteresse de Bimoyek à Landretin-le-Nord vous accueille tout l'été. Toutes les infos au 03 21 87 10 34. Puisqu'il est là, Cyril Frémont, voici l'information locale. L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Quelques informations pratiques pour commencer ce journal sur Delta FM. Attention, des soucis sur la route les prochaines nuits avec du côté de la D142 à Vimille, à l'entrée de la zone industrielle de la Trésorerie. Des soucis donc avec des travaux, les travaux qui ont surtout lieu la nuit. Chantier aussi à Rôti sur la D127. Même chose, ce sera la nuit prochaine et celle de mercredi à jeudi. Les portions concernées seront interdites à la circulation. Les pompiers n'ont pas chômé hier. Un carambolage s'est produit en fin de journée sur le pont de la D191, pont qui surplombe la 16 à hauteur de Marquise. Un choc qui a impliqué 3 voitures et qui a fait 5 blessés, dont un bébé de 11 mois et sa maman. Tous ont été pris en charge par les secours. Un autre accident hier, toujours en fin d'après-midi. Cette fois-ci, c'était du côté de Le Portel, au niveau de la rue Carnot, avec 4 blessés légers, dont une femme enceinte. Là aussi, ils ont tous été pris en charge par les secours. De l'eau pour les migrants, l'association Calais Food Collective, au nom de plusieurs ONG, vient de lancer une pétition réclamant un accès plus facile à l'eau dans la région pour les exilés. Selon des documents de l'ONU, les manques d'eau potable sont criants dans la région, à Calais, à Grande-Synthe ou encore à Tintinguem dans le Demarois pour les exilés. La rentrée de l'hôpital de Boulogne s'annonce morose. Selon nos confrères de la Voix du Nord, il manque 14 anesthésistes au CHB. Sur 20 équivalents temps plein, seuls 6 seront pourvus en septembre, ce qui aura des conséquences au niveau des opérations avec des blocs à l'arrêt. Une réunion avec l'ARS pour tenter de trouver une solution a eu lieu il y a quelques jours, en présence notamment du maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier, qui est également directeur du conseil de surveillance de l'hôpital. Et puis on avait parlé ces derniers jours sur Delta FM des annulations à cause de la météo, notamment le feu d'artifice de Boulogne qui devait avoir lieu le 14 juillet dernier. Et bien il aura finalement lieu le 15 août. Ce sera à la suite de la traditionnelle cavalcade d'été. C'est ici qu'il butera à 16h dans les rues du centre-ville sur le thème des folklores du monde. On aura évidemment l'occasion d'y revenir sur Delta FM. Vous savez quel film Tortue Ninja qui arrive demain au cinéma, Cyril ? C'est le film Tortue Ninja, justement. Ouais, c'est votre époque, ça, non ? Exactement. Alors, question. C'était sur France 3, j'étais plus Club Dorothée, mais c'est vrai que je regardais un petit peu quand même les Tortue Ninja. Alors, est-ce que vous irez voir ou pas le film ? Je suis pas convaincu, non. Moi non plus. Bon. Donc, on lui laisse pas sur. Mais c'est pas bien, hein. Mais on n'a pas, non. Voilà, non. Je veux rester avec mon souvenir des années 90, c'est ça. Juste avec le générique qui passe derrière que j'ai piqué sur YouTube, qui a un son tout pourri. Merci à tout à l'heure, Cyril. À tout à l'heure. Delta FM, info trafic. Véhicule arrêté sur la 26 dans le sens Calais vers Béthune. C'est à Manquenord-Bécourt, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça semble toujours d'actualité. Nous avons aussi une voiture arrêtée sur l'autoroute A16 sens Belgique-France. Au niveau de l'échangeur 65, c'est à Gieweld. Faites passer l'inforoute au 03 21 95 22 95. L'infotrafic avec la SNAB, votre concessionnaire Volkswagen Seat Cupra à Boulogne-sur-Mer. Véhicule neuf, occasion, entretien. La SNAB au 122 boulevard de la Liane. La radio de votre été sur la côte d'Opale. Assis devant le mur en regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Hey boy, staring at the sky and I see you go. J'aimerais t'en serrer dans mes bras. Pam pam padam pam da da dam da dam da dam. Pam pam padam pam da da dam. Attendre si longtemps pour revoir son visage. Recevoir un message, mais quand le être ton repère, j'en garde encore un bras meur. J'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam da da dam. Hey boy, staring at the sky and I see you. Oh, j'aimerais tant te serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam da da dam. Delta FM. Delta FM. En vacances. Souvenir Delta FM, on vient d'écouter Baltimora à l'instant, c'était Tarzan Boy. Les escapades de l'été avec les offices de tourisme de la région. Et nous allons retrouver tout de suite Loulia au bureau d'information touristique de Le Portel. Bonjour Loulia. Bonjour Guillaume. On va commencer avec Ardelot et les randonnées autour d'Ardelot qui sont proposées. Effectivement, Ardelot se prête idéalement à la randonnée pédestre. On s'évade volontiers dans les paysages forestiers qui s'ouvrent sur la mer et sa vaste étendue. Au nord d'Ardelot, vous découvririez les 10 sentiers des dunes d'Écho, tandis qu'au sud, les dunes du Mont-Saint-Frieux. Des circuits de distances variées sont disponibles en format brochure au bureau d'information touristique. Et puis on va parler des festivités de lundi prochain, puisque lundi nous serons le 14 août. Célébrons l'été comme il se doit à Ardelot. Ce lundi 14 août, venez danser sur les reprises du groupe ABBA au poste de secours à 21h et continuez votre soirée en admirant le spectacle pyrotechnique à 22h30 sur le thème des musiques du monde. On va chanter Mamma Mia, Waterloo, etc. On ne manquera pas ce rendez-vous. Direction le Portel avec la balade Gritter. Rendez-vous le vendredi 11 à 15h. José vous donne rendez-vous à la bibliothèque de la plage pour vous proposer une visite historique autour du fort de l'Eure. C'est ouvert à tous. Pensez à réserver auprès de la médiathèque et n'oubliez pas vos chaussures de marche. La braderie des quais. Le dimanche 13 août, venez à la traditionnelle braderie des quais qui se déroule comme chaque année au quai du Gué, Trouin, de la Vierge et de la Violette. Pour la soirée du lendemain, assistez en première partie au concert du groupe portelois des Why Not dès 19h, puis de 20h30 à 22h30, découvrez le grand show de l'orchestre Thierry Tassinelli au kiosque de la plage, avant d'admirer le feu d'artifice. En cas de mauvais temps, le concert est maintenu à la salle Yves Montand et le feu d'artifice est reporté au 16 août. Merci Loulia, on a tout noté et on retrouve évidemment comme toujours toutes les infos sur boulonnaisautop.com. Merci, bonne journée Loulia, on se retrouve bientôt. Bonne journée, au revoir. Du Boulonnais au Calaisis, tout le monde écoute Delta FM. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais c'est jamais trop. Tomber sur mes peurs et tomber sur mon corps. Je suis resté le tour de mon nid, chasser mes démons. Remonter sur le fil ouest, seul avec mon bâton. J'ai laissé ma dérive guider quelques instants. J'ai regardé les deux rives, j'ai regardé devant. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. Même si c'est instable, je suis bien sur le fil. Je sens le vent entre mes doigts. Oh, je suis à l'équilibre. Oh, ta ta ta da, ya ta ta da ta. Je suis à l'équilibre. Oh, ta ta ta da, ya ta ta da ta. Je suis à l'équilibre. Oh, je suis à l'équilibre. Oh oh, je suis à l'équilibre. Oh, je suis à l'équilibre. Mais j'en connais la fin. Dans ce couloir immense qui mène à mon chemin. Au loin derrière la ville, là devant l'horizon. Remonte sur mon fil, enfant, seul avec mon bâton. Je suis resté tout là-haut pour écouter le vent. J'ai laissé mon bateau guider quelques instants. Mon île. Et même si c'est instable, je suis bien sur mon fil. Je sens la vie entre mes doigts. Oh, je suis à l'équilibre. Le vent, quitte à tout perdre, je reperdrai le temps. Quitte à tout perdre, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout perdre. Quitte à tout perdre, je veux tout prendre. Quitte à tout prendre, je veux tout. Je suis à l'équilibre. Oh, tap tap tada, tap tap tada, tai. Je suis à l'équilibre. Il est énorme.

détours. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. Pour vous informer des activités près de chez vous que les spécialistes du tourisme. Tout l'été, ils sont nos experts et vous informent sur votre radio. Rendez-vous sur Delta FM à 10h30 et 12h40. Et tout au long de la journée, les animateurs vous donnent les rendez-vous loisirs incontournables. Bel été sur Delta FM. 1, 2, 3 par brise vous offre l'heure. Et pas que. En ce moment, une Nintendo Switch Lite est offerte pour tout remplacement de par brise. Voir conditions sur. C'est mardi sur Delta FM. 1, 2, 3 par brise, la très bonne. Nous sommes le mardi 8 août. Aujourd'hui, il est 13h. On fait un point sur l'info avant de retrouver le Summer Mix Delta dans un instant. Delta FM.

juillet. Le groupuscule Civitas dans le viseur du gouvernement. Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé la dissolution de cette organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques extrémistes. Décision du ministre de l'Intérieur après des propos jugés antisémites d'un essayiste lors des universités d'été du groupuscule. Et puis à l'étranger, un dernier hommage à Sinéad O'Connor. Les obsèques de la chanteuse irlandaise décédée le 26 juillet chez elle à Londres ont lieu aujourd'hui au sud de Dublin. Elle est devenue une star planétaire avec le tube Nothing Compares to You écrit par Prince. Sinéad O'Connor avait 56 ans. Delta FM, infotrafic. Du côté de l'inforoute, dites-nous comment ça se passe hein, sur les routes et autoroutes de la Flandre et de la Côte d'Opale à n'importe quel moment, on en parle ici sur l'antenne. Attention, il y a une voiture arrêtée sur l'autoroute A16 au niveau de Saint-Folquin. Je n'ai pas une de certitude, mais je crois que c'est dans le sens Dunkerque vers Calais. Dans tous les cas, soyez prudents. A16 au niveau de Saint-Folquin, une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Faites passer l'inforoute au 03 21 95 22 95. Destination vacances sur Delta FM. Et comme chaque jour à 13h et 18h, c'est l'heure du Summer Mix Delta. C'est parti pour 15 minutes de titres de l'été mixés. On écoutera Magic System, Goldman tout à l'heure avec Envole-moi. On aura le duo Slimane Claudio Capeo avec Chez Toi. Et on commence avec Ultra Naté. Voici Free. Bienvenue, bel été, c'est le Summer Mix Delta. Tous les jours, 13h, 18h. Préféré au tempo. C'est le Summer Mix Delta.

FM. Delta FM. Jusqu'à 14h. Destination vacances sur Delta FM. C'était le Summer Mix Delta qui reviendra à 18h ce soir et puis demain à 13h et 18h comme tous les jours de l'été sur Delta FM. Dans quelques minutes, on fera le point tout à l'heure sur l'inforoute. Restez avec nous. Ça nous laisse le temps d'écouter R.E.M. qui arrive avec Losing My Religion. Delta FM, la radio de vos tubes préférés.

préféré vous accompagne en vacances. Votre tube préféré. Delta FM. D'écouter The Wind of Change avec Scorpions à l'instant sur Delta FM. Jusqu'à 14h, destination vacances sur Delta FM. Vos sélections de l'été sur Delta FM avec un jeu de pistes organisé à Calais ce samedi. En famille ou entre amis, rassemblez votre équipe et partez à l'aventure. Vous allez parcourir le centre-ville, visiter les lieux emblématiques de Calais et relever des missions pour résoudre des énigmes. Départ samedi au Grand Théâtre de Calais si vous voulez participer à ce jeu de pistes.